le boss. Jordi Samuel Christine Betty Nixon. Gracia Lea et Jenny Bella. Compréhension pour n'avoir couplé Dixon Léa Mama Sina Maria Chantal Malema na Canada. Souci est propre à la compréhension et sa natina. Yambrié Nixon Hakimina. Ayo kieta mawaya santina naite. Na carte na commis ispeye baba minga malade. Oya loba sida, kunova loba tiber. Docteur Yvon Mosikwa, Kiso, Kabala, Sisi Kabala, Zero Fold, Armandine Thérèse, Regina Makanda, Aimé Kobi, Gonvin Léa, Thierry Lufitissa. Garcia Kivova. Compréhension pour mes soucis na na ina Nixon. So qui t'aime beau fongola sanduku bokomona. Denga souci la lima kale kale bo de bo seva. Alphonse Kianzenza. Salite matanga o Nixon ilea o. Compréhension pour mes soucis na na magali taylo. Kofi Kivova. Maître Moussa Mangi, Chilio Kailo, Bokia Koumena Kijou. Souci les Ali révèlent un territoire d'amour. Tomé Tamoba, Obimba, Gomba, Moya, compréhension. Et la lama, Kale, Kale, oh, Nixoné. Charge à souci, Bami, Makaya, Mokaka, Seyo, Moko. Oyo, soit qui choque à Bolingo, Bonaramou. Oncle Eto Kiyako Patrick Kwama Pastor Mena Sama tanga teo Nixon ileao Esa fetia monene Didi ngalo Ponga na sherito Sude amure Laura Bodigaba La Mandona, X Wanga, Rosana Mikele. Otura nga nini? Nini? Namoni susi na kwe. Ah bon? Azako bola kafu. Ola, ola, ola, ola. Shodono supu na toro. Traumatize na love kila u. Yangana peri kapalai. Akwei kote kote makale. Hadaye chuke romboto. Papi Flash. Clarisse Mafuta. Mama Siama Luisa. Chef Mwele Kassa, Clément Lubakie, Christian Fouemba.